pardon? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant? Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Je n'ai que faire de truchement. Et je lui dirai bien moi-même, à son nez, qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain? Vous vous opposez à un bonheur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque pour gendre? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléon? Que ne fait-on pas pour être grande âme? Je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se fera. Je vous dis moi qu'il ne se fera point. Oh, que de bruit! Ma mère! Allez, vous êtes une coquille. Quoi, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame! Que me voulez-vous conter, vous? Un mot! Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement! Non! Écoutez-le! Non, je ne veux pas écouter! Il vous dira... Je ne veux point qu'il me dise rien! Voilà une grande obstination de femme! Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira! Ah, eh bien, quoi? Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand turc? Oh. Et moi, Coviel, qui suis le truchement. Oh, comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons enquérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Je consens aussi à cela. C'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette feinte. Bon, bon, bon. Qu'on aille vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme à qui la voudra? Oh! Monsieur, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome.